celle qui surgit de la lumière. Anne Guiznou, se dégageant du groupe compact des femmes entassées sous le porche, s'avançait fine et gracieuse, nimbée d'or fluide par les pâles rayons du soleil qui tombait en pluie de la coupole bleue ouverte au-dessus de Plougasnou. Il lui semblait qu'elle obéissait à une force, qu'elle ne s'appartenait plus et qu'un lien invisible, mystérieux, venait de naître subitement entre elle et cet inconnu énergique dont le costume, les armes, le teint bronzé par une vie active et meurtrière, les dernières paroles et le nom redoutable racontaient hautement le métier farouche, l'existence d'incessants et mortels combats. De sa place, muet soudain, immobile, sous l'influence d'un charme anéantissant, il la regardait venir à lui, ne voyant plus qu'elle au milieu de la foule mouvante et angoissée qui roulait tout autour de lui sa houle bruyante. Quelle était-elle ? Il l'ignorait absolument. Leurs regards s'étaient croisés, s'étaient pris et ne se quittaient plus. Les larges prunelles d'un bleu céleste, de l'azur limpide, transparent et doux des profondeurs infinies de l'éther, plongeaient sans lassitude dans les prunelles glauques du bleu vert des abîmes de la mer et s'y perdaient avec confiance, y cherchant leur reflet, une complicité latente, un encouragement et un appui. Quand elle fut parvenue auprès de la chair où Thor Heppen semblait à la fois pétrifié d'admiration et pénétré d'une joie secrète, elle lui tendit la main, surmontant le trouble passager dont elle ne fut pas maîtresse pour affirmer « C'est très bien ce que vous avez dit sur notre petit pays de Plougasnou. » Et, tandis qu'entre ses doigts habitués aux étreintes brutales, il n'osait serrer la main délicate, elle se retourna vers la foule, trouvant une hardiesse qu'elle s'ignorait. « Vous étiez dans la crainte, dans la douleur écrasante des mauvaises nouvelles ?» Et celui-ci vous apporte l'espoir. Il est le salut et il est l'ami. De tout mon cœur, merci, balbutia-t-il d'une voix si émue, si assourdie, qu'elle seule entendit ces mots et qu'ils pénétrèrent tout au fond d'elle, avec une puissance d'autant plus grande que cela créait entre eux le doux mystère d'une sorte de complicité. En même temps, elle comprenait que le jeune homme se donnait à elle tout entier, pour toujours, que cette phrase était comme un pacte qui le liait à elle, et elle en ressentit une joie subite dont son âme et son cœur furent emplis délicieusement. En un instant, cette adhésion spontanée et si ardente de la jeune fille fit disparaître la souffrance secrète que lui avait fait éprouver la visible hésitation et l'incertitude blessante de ceux auxquels il venait de s'adresser. Bien que toutes ces âmes qui l'entouraient lui fussent étrangères et qu'il ne se sentit pas enveloppé de l'enthousiasme communicatif qu'il avait espéré soulever par ses paroles en évoquant le passé glorieux et héroïque de ce coin de Bretagne, il reprit courage au contact de ses doigts frêles qui lui infusèrent leur énergie, leur volonté et la passion de persuader, de jeter dans ses cœurs hésitants sa fougue et son courage, le lança de nouveau en avant. Un ami, oui, c'est un ami qui vient à vous et qui vous appelle à lui pour la gloire de la patrie, pour le triomphe de nos armes, pour la revanche des passés douloureux. Quel est celui de vous qui hésitera à lancer ce cri des aïeux dont j'ai voulu être la vivante personnification et qui fait trembler l'anglais, se souvenant des défaites d'autrefois ? Thor Heppen. Puis il fournit d'autres renseignements, raconta que le cutter le Sylph, construite en Angleterre dans un but spécial, pour faire la contrebande, surtout entre la Hollande et les îles britanniques, était le bâtiment idéal de cette manche pour lequel on l'avait fabriqué, que, taillé pour la course et la lutte, de manière à pouvoir défier les navires les plus agiles de tous les pays, il passait pour le meilleur voilier de la Grande-Bretagne. Cette nuit même, le jeune corsaire avait pu se rendre compte de ses qualités admirables. Quand il avait été subitement attaqué par la frégate anglaise qui lui avait donné la chasse et dont la supériorité de mâture, la puissance d'artillerie et la voilure faisait une ennemie presque impossible à éviter. Pourtant, le cutter lui avait échappé. C'est que, aussi, la structure du petit navire lui permettait de passer là où ne pouvaient se hasarder les vaisseaux de fort tonnage. Peu à peu, l'attention des pêcheurs et des marins de Plougasnou s'éveillait, tandis que l'orateur entrait dans le détail des avantages incontestables du cutter et des services qu'on pourrait en tirer. « Vous connaissez maintenant aussi bien que moi le navire, » termina Thorheppen. « Vous savez de quoi il est capable. Ce qui lui manque pour être parfait, en plus des gaz éprouvés qui le montent déjà, ce sont des marins connaissant admirablement comme vous la partie de la côte avoisinant l'embouchure de la rivière de Morlaix. Avec ceux qui voudront bien se joindre à nous, nous serons invincibles. Nous unirons notre action à celle de la flottille de la Manche afin de protéger les rares navires de commerce osant encore visiter nos côtes. Nous rendrons l'espoir aux populations côtières et, comme autrefois, nous serons la terreur de l'ennemi. » Anne Guisnou l'écoutait souriante. Elle ajouta en un élan subit : Si vous le voulez, comme la bonne duchesse d'autrefois, dont je porte le nom béni et respecté, je serai la patronne de votre courageux navire. Il sera notre belle cordelière à nous de Plougasnou et de Primel, notre sauvegarde et notre orgueil, comme vous serez notre Primauguet de si glorieuse mémoire, notre Hervé de Portsmoguer. Quel nom lui donnez-vous ? Questionna le jeune homme, se tournant vers elle. Elle réfléchit un moment, puis raisonna. Il lui faut un nom de Bretagne à ce bateau, dont l'équipage n'est et ne sera composé que de Bretons. Un nom qui dise bien ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fera, qui soit l'épouvante de l'ennemi. Et d'un ton décidé qui faisait contraste avec les traits fins de son joli visage, elle conclut. L'arme par excellence des Bretons, celle qu'ils brandissent en jetant ce cri de guerre « Thorheppen » qu'on a choisi pour vous désigner vous-même, me paraît la seule qu'on puisse employer pour traduire le rôle que remplira le cutter. Appelez-le donc le « Penbaz », le « bâton à tête », si redoutable entre les mains d'un homme de chez nous. De tous côtés, les acclamations saluèrent la proposition de la jeune fille, qui devint toute rose d'émotion, surprise elle-même de l'impulsion étrange qui la poussait ainsi à prendre une part aussi active aux incidents venant de se passer. Il lui semblait qu'elle se révélait elle-même et qu'elle se regardait agir, parler, comme si elle se fût dédoublée et qu'une créature, toute d'action celle-là, fut née subitement de la jeune fille timide, réservée, toute de rêves et de songeries qu'elle avait été jusqu'à ce moment. Autour d'elle, son père, sa mère, ses frères, sa sœur la regardaient, interdits, se demandant à quel sentiment elle obéissait, ce qui se passait en elle, et Guyader, hochant sa tête grise, murmura. « C'est une Guicaznou qui parle et agit à cette heure, et non plus une Guisnou. » Et c'était bien cela qui se réveillait en cette modeste enfant. Après des années et des années, l'âme lointaine et mystérieuse des grands ancêtres, engourdie, étouffée, dénaturée, l'âme d'héroïsme et d'énergie que tous avaient pu croire à jamais disparue, qui s'était avec les siècles amoindrie, que de lentes usures avaient transformée, déformée, mais qu'une étincelle subite faisait soudain revivre par un choc inattendu et qui brillait de nouveau flamme pure, inaltérable et inaltérée, dans un cœur d'innocence et de candeur, sous l'influence d'événements violents. Brusquement, cet inconnu, ce Thorheppen apparut, les brûlantes paroles sorties de sa bouche comme un coup de clairon magique, la transformation s'était opérée en elle, sans qu'elle en eût même conscience. Au milieu des gens de Plougasnou, plus lents à sentir, moins prompts à se décider, ne comprenant peut-être pas exactement tout ce que leur disait celui qui parlait de leur passé, elle avait eu l'impression d'un rayon de feu pénétrant au plus intime de son être et l'éveillant d'un engourdissement au sein duquel elle s'était longtemps complue. Elle s'était soudain sentie très fière de son nom, dégénérescence du nom des Guicaznou, de son prénom qu'il associait de loin à la précieuse mémoire de la bonne duchesse, de la douce des douces, de la reine Anne. Toutes les assimilations qu'on avait pu lui en faire autrefois, jusqu'à la désigner de cette appellation caressante et flatteuse de reine en sabots, ne lui semblaient rien à côté de la révélation inattendue que le discoureur éloquent faisait naître spontanément en elle, confirmant, affirmant de manière péremptoire et formelle ce qu'elle avait pu jusqu'alors considérer comme une banale flatterie ou un verbiage louangeur. Elle s'était révélée à elle-même la descendante réelle des grands ancêtres, et son âme avait eu la soif d'une ressemblance plus complète encore, plus affirmée, plus prouvée avec cette merveilleuse patronne qu'on lui reconnaissait. À partir de ce moment, elle avait agi comme dans un rêve, ayant à peine conscience des actes qu'elle accomplissait, des gestes qu'elle discutait, sans qu'elle se défendît, sans qu'elle cherchât à comprendre pourquoi elle se conduisait ainsi. Il lui avait semblé tout naturel de crier tout haut ce qu'elle éprouvait intérieurement, de dire comme elle le pensait que cet inconnu qui venait à eux leur apportait la libération de leur angoisse, l'espoir nouveau, qu'il était le réveil d'énergie trop longtemps demeurées inertes et qu'il fallait aller à lui sans discussion, sans défiance, comme à l'ami attendu. Immédiatement après qu'elle eut parlé, que ce nom de Penbaz eût été donné par elle au cutère du jeune corsaire, les gars de bonne volonté s'offrirent en nombre plus que suffisant pour compléter l'équipage de Thorhepen. Tandis que les femmes s'éloignaient, entraînées par les guisnous et les gardes-côtes dans le principal cabaret de la Grand Place, près de la chapelle funéraire dressée à l'est du cimetière, le jeune homme et les trois marins purent commencer à faire un choix parmi ceux qui se présentaient pour embarquer sur le cutter le Penbaz et s'entendre avec eux pour les conditions de leur enrôlement. Pierre-Marie Guisnou, ses fils, Guyadère, Carn, Morvan et Barzic, firent fête aux trois compagnons dont la mine joviale, sous leur aspect rébarbatif, les récits plus ou moins amplifiés d'abordages extraordinaires, de combats fantastiques et de gains incroyables, eurent auprès d'eux, d'une existence plus calme, un succès énorme à mesure que les bols de cidre et les pichets de vin se vidaient en leur honneur. En outre, ils avaient cette particularité intéressante que chacun d'eux, représentant une partie différente des côtes bretonnes, apportait à leurs auditeurs du nouveau, de l'inconnu et de l'imprévu. C'était d'abord le second du commandant du cutter, son lieutenant, un cornouaillais des environs du Radecin, Jan Postek, de taille moyenne, de membres secs, nerveux, dont la figure complètement rasée, couleur de cuivre brun, dressait sur un col maigre une physionomie d'une énergie singulière, soulignée de sourcils et complétée de cheveux noirs d'encre, avec des yeux comme des gouttes de pois liquide où flambaient parfois de petites lueurs. Intelligent, agile, débrouillard, il s'était formé lui-même, prenant peu à peu de l'autorité sur ses camarades, sans s'imposer autrement que par sa vivacité, son entrain, son initiative. Thorhepen avait en Postek un auxiliaire précieux, auquel ses 30 ans d'âge, dont 20 entièrement passés à naviguer, car le cornouaillais était parti mousse à 10 ans, donnait l'assurance et l'autorité nécessaires pour maintenir un équipage composé de gaillards ramassés un peu partout depuis Nantes jusqu'à Saint-Brieuc. Les deux autres faisaient fonction de contremaître et de quartier-maître. Le premier, Louis Kéribin, un morbihanais trapu, poilu, semblait un véritable ours, jovial et farceur, dont les yeux clairs lançaient des étincelles pétillantes de malice au milieu d'une forêt brunâtre qui entourait toute la figure, couronnait le crâne large et rond, contournait les mâchoires, s'agrippait autour des oreilles, envahissait une portion des joues et ne s'arrêtait qu'aux environs du nez et au-dessous des yeux. Des dents blanches, solides, brillaient sous la herse bourrue des moustaches. Carrés de partout, d'épaules, de torses, de pieds, de poings, ils formaient un cube vivant aux angles matelassés d'une chair dure comme du granit. Sa bonne humeur était la joie de l'équipage qui l'adorait et lui obéissait sans jamais broncher. Sa contrepartie était le quartier-maître Pierre Tanguy, un taciturne de la côte sauvage de Brignogan et des parages de l'île Vierge, un pur paganise, grand, mince, souple, à la fine tête d'arabe, osseuse, allongée encore par la courbure du nez aquilin et la barbe en pointe brune et frisée. Sur sa tête, il portait le bonnet bleu des siens, sorte de calotte turque, et le manteau si caractéristique de sa race s'accrochait à ses épaules nerveuses. Il était l'œil du cutter, comme Kéribin en était le cabestan, la force herculéenne. Sa prunelle d'oiseau de mer devinait les êtres et les choses, même dans la nuit, et c'était en grande partie à lui que, durant cette nuit de brouillard et de tempête, Thor et Pen avaient dû de pouvoir faire pénétrer le cutter dans l'anse de Primel, en frôlant à la rasée la pyramide à pic de la pointe et diriger le bateau à travers la passe si difficile qui permet aux seuls initiés d'atteindre, sans toucher sur une roche, le fond de l'anse. Avec de pareils hommes comme sous ordre, le jeune corsaire faisait du reste de son équipage ce qu'il voulait et pouvait se permettre toutes les témérités, sûr d'être suivi à Portsmouth et jusqu'au fond de la Tamise, s'il l'avait demandé. Pierre-Marie Guisnou prenait de plus en plus de goût à la conversation du corsaire, s'étonnant seulement de le voir si au courant d'usage, de coutume de Plougasnou. Il affirma « À vous entendre, on vous jurerait de nos communes. Mais moi qui suis déjà un vieux et qui connais tous les gars des environs, je ne vous ai jamais vu, bien sûr. » Je devine que vous êtes d'ailleurs du Léon, ou peut-être de Cornouailles, on croirait. » Sans répondre directement à cette question précise, son interlocuteur se mit à rire, répliquant « C'est pas des mystères. Voilà 10 ans et plus que je fais la course en compagnie du comte de Tromelin. Alors, on a souvent causé de son pays, vous pensez. De plus, j'ai à bord comme maître d'équipage et capitaine d'armes un Morlaisien, Pierre Lantoc, qui a complété mon éducation sur toute cette région. C'est ainsi que j'ai pu en apprendre assez pour pouvoir au besoin m'y diriger comme un gars de chez vous, avant même d'y être venu. Je m'y trouve chez moi quasi autant que si j'y étais né, rien que parce que j'ai entendu conter durant des années et des années, habitudes, paysages et tout. » L'heure s'avançait. Le jeune capitaine du cutter prit congé des Guisnou et de ses autres nouveaux amis, pour regagner le château de Tromelin, où l'attendait son équipage, et donna rendez-vous pour le lendemain matin aux hommes qu'il avait enrôlés. Comme il s'engageait dans le chemin conduisant vers Primel, où l'avaient précédé Postec, Kéribin et Tanguy, il se trouva seul en face d'Anne Guisnou. En reconnaissant la jeune fille, qu'il n'avait plus aperçue depuis son intervention, il s'arrêta, extasié, balbutiant. « Vous ? Je n'espérais plus vous revoir. Comment vous remercier? C'est à vous que je dois la réussite de ma démarche à Plougasnou, et j'ignore même votre nom. » Elle eut un sourire un peu malicieux, ripostant. « Et moi, je ne connais de vous qu'un surnom. Vous en savez un peu plus de moi. N'avez-vous pas entendu que je disais porter le nom de notre bonne duchesse ?» Il s'exclama joyeux. « Anne, c'est vrai. Dans mon saisissement, je n'avais pas bien compris. Ce nom vous va si bien. En vous apercevant tout à coup, surgissant de cette église dans la lumière du soleil, il m'a semblé qu'une figure de vitrail se détachait du porche sombre pour m'apporter l'encouragement, l'espoir, la réussite. J'ai cru, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous n'étiez pas un être réel, mais une de ces merveilleuses images comme il y en a aux grandes fenêtres de nos vieilles églises. Quimper, Saint-Paul de Léon, Notre-Dame du Folgouette, Saint-Jean-du-Doigt. » Ce dernier nom trembla un moment sur ses lèvres. Hésitant, il répéta « Saint-Jean-du-Doigt, un morceau de ciel venant à moi. » Avec une sorte d'extase religieuse et tendre, il redit encore « Une figure de vitrail, comme celle que j'admirais dans mon enfance. » Elle l'écoutait, muette, ravie, ne sachant que répondre, attirée et troublée, car si elle était pour lui une exquise et presque irréalisable figure de vitrail, pour elle, elle trouvait en lui un héros de légende, comme elle en avait découvert dans les livres contant les histoires d'autrefois. Interdite, elle ne pouvait encore s'expliquer comment elle, la petite Anne si pieuse, ayant toujours vécu dans un enveloppement de mysticité, de délicatesse, elle allait sans révolte, sous l'impression d'une séduction si puissante, vers ce Thor Heppen, dont le nom criait la violence, la guerre, la tuerie. Tout un passé se levait derrière elle, en complet désaccord avec cet entraînement irrésistible. Après avoir étreint doucement la main qu'elle lui avait tendue, il disparut de nouveau dans la brume, ne sachant d'elle que ce prénom d'Anne, comme elle ne savait de lui que ce surnom de Thor Heppen. Et pourtant déjà entre eux, le lien était devenu si étroit que rien ne pouvait plus le briser.